بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أسألك عن الكلمات، ما معنى غرق؟ غرق غرق هذا العنوان غرق. أهلا وسهلا. آه. أكرب آن وقت ضحية صباح بغية كما on dit plonger غطس يغطس العكس يطوف طاف طاف يطوف نعم صحيح. Comment dire année la chose qui est retentissante. Oui. Ma mana huria yuhrau. Asra'a, se précipiter, faire vite. Comme on dit, lâcher son dernier souffle. Lafaza, al-anfas. Comme on dit, s'adonner. عليكم السلام. تترقب لا لا براعة زدت كروب. طيب قلنا اليوم ما في تدريبات car les textes, d'ailleurs les prochains textes, ils sont assez longs. Donc on se concentrera à l'avenir des kalimat ou les arabat. Fakat, inshallah. Tayyib, unwan, la tusri'a. لا تسريع يعني le fait de ne pas rouler vite en fait. À cela, le fait d'aller vite, mais là, il vise quoi le fait de ne pas rouler vite en voiture, principalement. طيب الكلمات الجديدة. شهامة. شهامة. معنى النبل بمعنى يعني كما ندير نبل يعني النوبلس حول هذا المستعيث et celui qui appelle à l'aide Adala yu'adilu, égalisé quoi. Yusawi. Maktoub, ça écrit à côté. Fatia yafta'u. Maman a fatia yafta'u, on a pris. Celui-là, on l'a pris. On l'a pris dans Kutub al-Nahw. Fatia. Ah ouais. Ma, mazal. Zala plutôt. Ma'na zala, on l'a pris dans la khawad de Kana. Ma fatia. Allez, c'est quoi. Nahaba, yenahabu. Et ma'na asra'a jiddan. Allez, très très vite. Ashfaqa yushfiqu. C'est prendre la compassion, avoir de la peine pour nous. El mourma alayhi, c'est quelqu'un qui évanouit. Irtamata, ou irtatama, yartatimu, manatasadama, entre en collision, se heurter. عن كثب أي معنى قرب proximity proche تهشم يتهشم معنى تحطم وصار أجزاء صغيرة là Ayabdo comme pour les vitres se briser et s'éparpiller en petits morceaux tatayara yatatayaru c'est comme le fait de voler. Peut-être voler en éclat, il veut le dire. Tahattama, c'est le même verbe à peu près que tahashama. Mudradif. Tazmid. Ça, c'est les pansements. Jirahun, ça, c'est les blessures. Nazafa yanzifu, ça, c'est saigner, avoir une hémorragie. A'ila, ça, c'est une famille. Wahara yaharu. Celui-là, je vais le dire tout de suite. Inch'Allah. Vous ne connaissez pas aussi. S'embarrasser ou se perdre. Ani wakara fi hayra, c'est être dans l'embarras, dans la confusion. Muhashama, c'est le ismaful de hashama qui veut dire briser. Ça revient à yatahashamu. Nafs madda. Nahbun lil ard. Ça c'est, ça vient, on a pris au-dessus. Nahaba yanhabu. Qui est le fait d'aller très vite. Défiler ou... Hawla hada. Wa idha um. Idha una tusamma idha fuja'iya. C'est... معنى soudainement. يأتي بعدها مبتدا. طيب سنقرأ النص. قال ذات يوم أراد خالد أن يسافر من بلدة il est ukhra fajazama amta'ahum fahazama amta'ahum. Qu'un jour Khalid, il a voulu voyager d'un endroit à un autre, un pays à un autre, donc il a commencé à عرف خالد بالشهامة والنبل que خالد était connu pour la noblesse. فكان يساعد المحتاجين ويعين الضعفاء. Il aidait les gens dans le besoin. Il aidait les pauvres. ويقوم بنجدة بنجدة المستعيثين. Et il aidait مثلا à et porter secours à ceux qui le demandaient. وَكَانَ يَرَى فِي مِثْلِ هَذِي الْأَعْمَالِ شَرَفًا لَا يُعَدِلُهُ شَرَفٌ. Et à travers ses actes, il voyait une chose qui n'était que... Yani, il voyait une noblesse qu'aucune autre noblesse ne pouvait égaliser. Sans équivalent. وَتَعَتَنْ يَتَكَرُّ بِهَا إِلَى اللَّهِ. Et une obéissance par laquelle il se rapproche d'Allah. وَيَلْجُ ثَوَابَهُ وَغُفْرَانَهُ. Et il espère sa récompense et son pardon. وذات يوم أراد خالد أن يسافر من بلدة إلى أخرى فحزم أمتعه. Un jour, Khalid a voulu voyager d'une contrée vers une autre, donc il a fait ses affaires, attaché ses affaires. واستحب أفراد عائله عائلته. Et qu'il a pris avec lui les membres de sa famille. وركب سيارته. Il est monté dans sa voiture. متجها إلى بلدة. Se dirigeant vers cette contrée. وكان بصره لا يفتأ رغم اهتمامه البالي بالطريق ينظر إلى الطبيعة أو طبيعة وما فيها من الجبال أو من جبال وسهول ووديان ومزارع وجداول. Et il disait, il dit que son regard ne cessait d'être porté sur la route, ou plutôt non. Malgré sa grande attention qu'il portait sur la route, son regard ne cessait d'être tourné vers la nature, et ce qu'il comportait comme montagne, comme vallée, et comme plaine, et comme champ, et rien de ça. فَيَتَذَكَّرْ نِعَمُ اللَّهِ عَلَى الْإِنسَانِ وَيُذَكِّرْ بِهَا زُوجَتَهُ وَأَوْلَادَهُ فَيَعْتَبِرُونَ جَمِيعًا. Donc par cela, il faisait un rappel, il se rappelait des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'homme, et il faisait le rappel à sa femme, à ses enfants, qui eux prenaient tout cela en considération. Tous. وبينما هم على هذه الحال إذا هم بسيارة تنهب الأرض نهبة. Et pendant qu'ils sont dans cette situation-là, voilà que, soudainement qu'une voiture arrive à toute vitesse. تسبقهم وتذهب بعيدا. Elle les dépasse et on s'en va très loin. كأنها البرق الذي يخطف الأبصار. Comme s'il était l'éclair qui saisissait les regards. وقد دوهل خالد وأفراد عائله وعائلته من سرعتها حتى أشفقوا على راكبيها من أخطار الطريق. Et que Khalid et les membres de sa famille ont été, on va dire, surpris de la vitesse de cette voiture, à tel point qu'ils ont eu de la peine pour ces passagers du danger de la route. À chaque fois, on dit avoir de la peine, la compassion, mais là, c'est dans le fait que ils ont compati pour eux du danger qu'ils encouraient. وَفَجَأَتَنْ نَظَرَ خَالِدْ. Et soudainement, Khalid a regardé. فَرَأَهَ مِنْ كَثْبٍ أو مِنْ كَثْبٍ السَّيَّارَةَ الْمُسْرِعَ قَدْ إِرْتَمَطَتْ بِأَحَدْ أَعْمِدَتْ الْكَهْرَبَ. Et il a vu à la proximité la voiture qui allait vite, justement, qui avait heurté un des poteaux électriques. فتحشمت وتطاير زجاجها. Donc la voiture elle était brisée, ses verres avaient explosé. وتحطمت. Ça revient au même sens quoi. وأبصر أجساما ممزقة. Il a vu des corps qui étaient normalement ممزقة, c'est un peu déchiqueté ou quoi dans le sens. Comment on dirait en français? Décomposé peut-être. Non, dans le texte, ils ne sont pas décomposés. Genre, ils sont blessés, quoi. Ils ne sont pas comme s'ils étaient morts. Ouais. Des corps mutilés. Mutilés, ouais, c'est un peu... C'est un peu aussi... Mais bon. Taïeb. Ashtamen, Moumas Zakotem, Siroran, Beina, Mourma, Alehi. Wamufarikin, il haya. Et il a vu, justement, des corps, comme on l'a dit, mutilés, petits, entre yani, parmi eux évanouis et parmi d'autres qui sont en train de perdre la vie. Fahara Khalid. Donc Khalid était dans l'embarras, il ne savait plus quoi faire. La yadri il a ignat tajim, il ne sait plus vers où se tourner. Wama za yafail, qu'est-ce qu'il doit faire? Awkafa Khalid sayyaratahu wa tarakaha ba'idan an at-tariq. Que Khalid a arrêté sa voiture et l'a mis loin de la route. Thumma taqaddama nahwa as-sayyara al-muhammasha. Après, s'est dirigé vers la voiture qui était écrasée. Il s'est mis à sortir les corps des blessés de la voiture. Il s'est mis à vouloir panser leurs blessures. Et arrêter le sang qui coulait. Avant de porter tout le monde vers l'hôpital. Ah non, il y est deux fois en fait. Tu l'as deux fois toi? Ah, c'est pour ça que je le croyais, je le trouvais long en fait. Non, il n'est pas si long que ça. Je pensais que tout ça c'était le texte en fait. J'ai pas fait attention. Je vais voir un truc. Le prochain il est vraiment long. Le prochain il est long, ouais. Très long. Très long. C'est Inch'Allah. Donc on va prendre quelques irrabat. Kafia Alatina. ما يغلب عرف خالد عرف في الماضي مغير الصيغه لم حاله من الاعراب خالد نائب الفعل مرفوع علامه رفعه الضمه عندها على اخره نعم فكان يساعد المحتاجين ما يغلب المحتاجين مفعول به نعم وعلامه نصبه الياء نيابه عن الفتحه لانه جمع يكسر طيب كان يرى في مثل هذه العمل شرفا لا يعادل شرف ما يعلم شرفا شرفا وكان يرى في هذه في مثل هذه الاعمال شرفا ما يعلم شرفا ما فول بي احسنت وطاعه يتقرب بها الى الله ما يعلم طاعه معطوف نعم معطوف ويرجو ثوابه وغفرانه ما يعلم يرجو فعل ماضي فعل مضارع مضارع اخر فعل مضارع مرفوع التجرد الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة صح الضمة يرجو ثواب الضمة الضمة من عامل دوريا المقدرة المقدرة هو بسيز الضمة المقدرة من عامل دوريا ما نعم الظهر يا الثقال نعم ثقال له يا وذات يوم ما يعلم ذات فصيل اسمه شرع ذات وذات يوم ظرف ظرف زمان نعم مقدم طيب واصطحب أفراد عائلته وركب سيارته متجها إلى البلدة ما يعلم متجها حال حال وكان بصره لا يفتأ رغم اهتمامه البالي بالطريق ينظر لطبيعي وطبيعة ما فيها من جبال إلى غير ذلك ما يعلم ينظر فعل ماضي نعم مرفوع على الترفعية الضمة الظاهرة على آخره طيب هذا من العرب ها لا محل له إلا هذا هو الشاهد سكوا صنع العرب لا تفعل العرب دو فيرب من الجمل الاسمية ينظروا هو سكوا صنع العرب La phrase complète. Ça commence d'où la phrase de... Là où j'ai lu. Makana. Aïe, ouais. هذا خبر لا يفتأ أي لا يفتأ هو ينظر لطبيعة في الخبر اسم يفتأ مستتير تقديره هو ينظر إلى الجملة الفعلية هذا يذكر بها زوجته وأولاده فيختبرون جميعا ما يعلم جميعا توكيد لا فتوكيد إلا تعلم أن جيني على سيميلا قبل أيام وأتجبت مباشرة لا سباتو كده هذا حال جميعا حال أيوة هذا حال بينما هما على هذه الحال إذا هم بالسيارة تنهب الأرض نهبا ما يغلب نهبان هذا حال هذا حال لا c'est pas un hal il veut pas dire ça c'est un mafoul mutlaq mafoul mutlaq l'orgue تحت قال كأنها البرق الذي يخطف الأبصار كأنها البرق أعرب كأنها البرق كأن حرف كابيتال حرف كيف comment تشبيه كأن c'est pas كيف فقط كأن c'est كأن حرف نصب نصب تشبيه نعم تشبيه البرق جوبي ها المبتدا ما يعربها اسم قبل هذا ضمير ضمير متصل مبني في محل في محل ماذا في محل نصب نصب محل نصب اسم اسم كأن اسم كأن أيوة الضرب خبر كأن نعم خبر كأن مرفوع أحسنت Là, dans la phrase, وَأَبْصَرَ أَشْتَامَنْ مُمَزَّقَتَنْ وَسِغَارًا بَيْنَ مُغْمَا عَلَيْهِ وَمُفَارِقٍ لِحَيَا. Dans la traduction, je crois qu'il se trompe, en fait, il veut dire il avait des corps, un mutilé et des petits, en fait, et non pas des petits corps. Sirar, c'est autre chose. Et des petits entre ceux qui sont évanouis et ceux qui sont en train de perdre la vie. Ad Akrab. سنقفنا اليوم إن شاء الله. Et demain, vraiment, le texte est long, celui-là, donc. سنكتفي بهذا اليوم. تمام؟ فلونا والحمد لله رب العالمين.